Eh bien bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de l'émission des bons plans solidaires proposée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Alors aujourd'hui, encore plein de news, plein d'infos dans cette émission. Avec nos chroniqueurs habituels, nous aurons Logan qui va nous présenter une manifestation très intéressante. Nous aurons aussi Alain qui a deux astuces très économiques à nous faire part. Nous aurons aussi Valérie qui va pallier à l'absence de Loïc pour nous faire la rubrique Culture Geek. Nous aurons aussi Bertrand qui va nous parler du problème de la péremption des produits et les dates de péremption. Nous aurons deux pauses musicales. Bertrand reviendra aussi avec une info concernant une coupure d'eau que lui a raconté un de ses amis et donc les démarches à faire. Et puis, je conclurai l'émission avec le jeu des anniversaires des célébrités. Voilà, l'émission est bien remplie. On commence tout de suite. C'est parti. Eh bien, on retrouve Logan pour sa chronique. Bonjour Logan. Bonjour Lionel, bonjour à tous. De quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Je souhaite vous proposer une petite visite à la nuit du musée, à Nancy, 2022. Alors, la nuit des musées, donc ça n'a rien à voir avec le film de Disney. Non, c'est quoi cet événement-là ? C'est un programme culturel auquel participent des musées de Nancy. Il s'agit de la nuit européenne des musées. Il y aura de nombreuses animations, visites de collections, des parcours ludiques, des ateliers créatifs et même de la musique. Oh mais dis-moi, c'est vraiment super. Et quel musée participe à cette manifestation à Nancy ? Le musée des Beaux-Arts de Nancy, le musée de l'école de Nancy, le jardin botanique de Villers-les-Nancy. Est-ce que tu nous as donné toutes les informations concernant cette nuit des musées ? Ça sera le samedi 14 mai 2022. Renseignez-vous auprès du musée pour les horaires. Et c'est surtout gratuit. Alors rendez-vous le 14 mai au musée pour profiter d'un moment exceptionnel. Car la nuit, l'ambiance est différente. C'est magique. C'est magique. Voilà, et donc je crois que les musées ferment à partir de 1h du matin. Donc il y a vraiment toute la soirée et une partie de la nuit pour aller les visiter. Merci beaucoup Logan. Bonne journée à tous. Et c'est maintenant au tour d'Alain de nous rejoindre. Bonjour Alain. Bonjour Lionel, bonjour Radio Padiet. Alors, tu as une astuce à nous dire dans cette chronique, je te laisse. La fusion au thym. Grâce à ses vertus drainantes, la fusion au thym n'a pas son pareil purifiant. L'organisme aide à brûler les graisses et les calories. Un ventre plat, sans quand on veut perdre du poids. Il faut prendre l'habitude de manger des fruits et un dessert. Pas au chocolat tous les jours de préférence. Voilà. Et puis, c'est vrai que les infusions au thym, c'est bon aussi quand on prend un petit coup de froid. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des plantes que les gens ne savent pas et qui est très radical et qui est meilleure que les médicaments. Très bien. Alors Alain, tu as aussi une deuxième astuce à nous parler concernant les repas plutôt bien costauds. Là, on arrive aux brochettes et compagnie, au barbecue. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette pour faire digérer tout ça ? C'est quelque chose de très simple. Vous prenez une tête d'ail, vous prenez une casserole, vous mettez un litre de lait dedans, vous mettez la tête d'ail à l'intérieur et vous laissez bouillir. Ensuite, vous laissez reposer et vous buvez la moitié d'un verre, deux fois par jour, et votre estomac va se sentir mieux. D'accord, donc ça va digérer les graisses, l'alcool, hein, même si on en boit avec modération, tout ça, ça fait un bien à l'organisme, intéressant. C'est radical. Eh bien, merci Alain pour ces deux astuces, et on te retrouve le mois prochain. Maintenant, on va faire une petite pause musicale, et on va écouter un de tes choix musicaux, les Bee Gees, Saturday Night Fever. C'est parti, on se retrouve après. Thank you. Eh bien, vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 dans l'émission Les bons plans solidaires. On attaque la deuxième partie et on va retrouver Valérie qui va nous faire la chronique sur la culture geek en l'absence de Loïc. C'est à toi, Valérie. Bonjour Lionel. En l'absence de Loïc, comme d'habitude, en première partie, vous allez jouer avec nous pour tenter de deviner deux films. Et en deuxième partie, nous parlerons littérature et d'un événement en particulier. Commençons dès maintenant ce petit jeu qui a été concocté par Loïc. Voilà, le principe est simple. Il suffit de deviner les deux films que je vais vous proposer. Alors, à vos marques, prêts, partez. Il s'agit d'un film réalisé par David Fincher. Je ne connais aucun. Le film est sorti en 1999. Pas d'idée. Allez, le dernier indice. Brad Pitt est de la partie et va s'embarquer dans une histoire d'un club pas comme les autres. Alors, j'ai trouvé. Vous avez trouvé ? Oui. Eh oui, il s'agit bien du film... Le Titanic. Non. Il s'agit de Fight Club. Eh bien, vous savez, il sera projeté gratuitement en version originale sous-titrée français à Nancy le mardi 17 mai à 20h. Plus particulièrement à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel. C'est un film dramatique très connu, mais je vous laisse le suspense et je vous conseille vivement d'aller le voir, car il vaut le coup d'œil. Réservation obligatoire et plus d'informations sur crouslorraine.evenbright.fr. Allez, on finit la partie cinéma avec ce deuxième film à deviner. Allez, on est chaud. Il s'agit d'un film de Candida Brady. C'est un documentaire qui explique les dégâts causés par les déchets sur l'environnement et notre santé. Je vous aide encore un petit peu. Le célèbre acteur oscarisé, Jeremy Irons, en est le héros. Je ne l'ai pas vu. De quel documentaire s'agit-il ? Très difficile, je le sais, mais il s'agit d'un documentaire d'actualité. Je vous donne la réponse. Il s'agit de Trashed. Ah oui, je l'avais dans ma tête. Trashed. Un véritable documentaire immersif qui nous offre un message d'espoir et montre qu'il existe plusieurs solutions pour en venir à bout du sujet traité. Il est sorti en 2012 et sera diffusé gratuitement, toujours à l'IECA, à Nancy, le lundi 23 mai à 20h. Plus d'informations et réservations obligatoires sur crous-lorraine.eventbrite.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IECA, elle se trouve où il y a le théâtre de la Manufacture juste derrière, la place qui est à l'intérieur du théâtre de la Manufacture, c'est là qu'aura lieu la projection, en dessous des arbres. C'est vraiment super. Merci d'avoir participé à ce petit jeu et j'espère que vous, chers auditeurs, vous vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à profiter de la gratuité de ces œuvres pour aller les regarder. Les deux œuvres valent le coup, je vous le garantis. Et je crois, Valérie, que tu avais aussi une deuxième chronique à nous présenter sur la littérature. Pour la première fois dans cette chronique, je vais vous citer un extrait du célèbre poème de Victor Hugo sur le thème du mois de mai, mais aussi sur le printemps, « Les chants du crépuscule ». Car, comme vous le savez, le mois prochain, la saison de l'été commencera. Alors, il est temps de se rappeler des belles couleurs du printemps à travers ce chef-d'œuvre. Alors, fermez les yeux, sauf si vous conduisez, bien évidemment, et détendez-vous au son d'une très belle plume du 19e siècle. Puisque mai, tout en fleurs, dans les prés nous réclame, viens, ne te lasse pas de mêler à ton âme la campagne, les bois, les ombrages charmants, les larges clairs de lune au bord des flots dormants, le sentier qui finit là où le chemin commence, et l'air et le printemps et l'horizon immense. L'horizon que ce monde attache humble et joyeux, comme une lèvre au bas de la robe des cieux, relisez les livres de Victor Hugo, vous verrez, c'est toujours aussi merveilleux. Alors, une dernière info encore, Valérie. J'espère que ce petit voyage poétique aux délicats mots de Victor Hugo et aux parfums de fleurs du mois de mai vous aura plu, car il est temps de rouvrir les yeux et je vais terminer cette chronique avec un événement qui pourrait vous plaire. Du lundi 23 mai au vendredi 28 mai, c'est la 38e édition de Musique Action, le festival de création sonore organisé par le CCAM de Vendeuvre-lès-Nancy. On y retrouvera des musiques électroniques, des expériences sonores à couper le souffle et des installations acoustiques. Des sons qui viennent d'ailleurs, des rencontres étonnantes, des cornemuses, des bourdons qui résonnent, des moments de calme, des bobines à projeter, des discussions passionnées et bien d'autres choses qui prouvent que ce festival gratuit risque fortement de vous plaire. Plus d'informations sur www.centremalraux.com. Et voilà, notre voyage se termine et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve le mois prochain. À bientôt, chers auditeurs. En attendant, au mois de mai, faites ce qu'il vous plaît. Le mois prochain, vous retrouverez Loïc. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Et maintenant, on retrouve Bertrand avec une première chronique qui est très intéressante, qui concerne les dates de péremption des produits. C'est à toi, Bertrand. Alors, en France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an pour une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Dans ces pertes, on estime à 33% la part en phase de consommation, c'est-à-dire chez tout un chacun. Le reste est réparti entre la production, la transformation, la distribution. Donc, pour la phase de consommation qui concerne donc directement le particulier, cela représente 30 kg par personne et par an de pertes et gaspillages au foyer, dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés et encore emballés. Alors, comment faire pour ne pas gaspiller chez soi ce qu'on a acheté ? Alors, il faut savoir que les œufs, par exemple, peuvent se consommer jusqu'à un mois après la date recommandée. Alors, il ne faut surtout ne jamais laver les œufs, parce que les œufs sont recouverts d'une petite pellicule de protection qui permet de les mettre précisément à l'abri. Et pour être sûr qu'un œuf est bon, donc ne jamais laver les œufs, sauf si on va les consommer immédiatement, mais il ne faut jamais les laver. Alors, vous plongez un œuf dans l'eau froide. S'il flotte, il n'est plus consommable. Bon, mais s'il plonge dans l'eau, il est toujours bon. Pour les fromages. Alors pour les œufs, Bertrand, on m'avait dit qu'il ne fallait pas les mettre non plus dans un frigo, il faut toujours les laisser à l'air libre. On peut les laisser effectivement. Enfin, généralement, c'est marqué à réfrigérer après achat dans les magasins et ainsi de suite, mais on peut effectivement les consommer, les conserver à l'air libre ou souvent emballer également dans du papier journal. Mais le plus important, c'est de surtout, même si elle est sale, ne jamais laver la coquille ou alors consommer l'œuf vraiment immédiatement derrière. D'accord. Donc pour les fromages à pâte sec ou à pâte dure, comme le parmesan, le comté, le gruyère, l'emmental, etc., ils peuvent être consommés bien après la date limite s'ils ont un aspect correct. S'ils sont recouverts d'une petite pellicule de moisie, par exemple, vous enlevez juste la petite pellicule de moisie et le reste, c'est encore moins consommé. Pour les fromages frais, par contre, qui ont une durée de vie beaucoup plus courte, on recommande de respecter la date limite de consommation. Les yaourts nature peuvent être consommés également après la date limite jusqu'à une semaine, parce que les yaourts aux fruits peuvent être consommés quelques jours après la date limite, mais moins, voilà. Les yaourts nature, c'est vraiment parce qu'il y a comment on appelle ça, conservateur. Non, il n'y a pas de conservateur, c'est de la présure, bref, le système fait que le yaourt, c'est un microbiote particulier, et le yaourt nature peut se conserver plus longtemps. Bon, maintenant, si un yaourt n'est pas bon, on le verra, machin. Enfin, il ne faut pas, sous prétexte que l'opercule ait marqué telle date dessus et que la date est dépassée deux jours, ne le jetez pas, il est encore consommable. Les charcuteries sèches, saucissons secs, viande de grison, bœuf séché, etc., ça peut se conserver également au-delà de la date limite de consommation, mais pas le jambon blanc, le pâté ou les rillettes, ou le boudin, évidemment. Donc ça, bon, maintenant, si vous avez du jambon blanc qui est... Alors là, c'est toujours pareil, quand c'est vendu en barquette plastique de 4 ou 6 tranches, etc., si la barquette est ouverte, il vaut mieux éviter de dépasser la date. Si la barquette n'a jamais été ouverte, que c'est donc bien toujours scellé, etc., là, si c'est pas dépassé de 2 jours, c'est pas bien grave. Surtout que, et si jamais c'est dépassé mais que vous l'avez déjà ouverte, si ça a été conservé correctement au réfrigérateur, vous pouvez également, sans grand danger, surtout si vous le faites cuire au préalable, le consommer. Et puis le jambon, on voit aussi la couleur et le goût quand on le goûte. Si on aussi, a un petit doute, on le jette. Voilà. Alors les sauces industrielles, du type, comment on appelle ça, du ketchup et des choses comme ça, ou mayonnaise, ça peut se conserver si le récipient n'a pas été ouvert. Ça peut se consommer également quelques semaines après la date limite de consommation, mais évidemment, s'il a été ouvert, non. Les produits surgelés, assez curieusement, ils peuvent largement dépasser la date limite de consommation également, puisque les bactéries sont bloquées par le froid de toute façon. Donc on peut consommer, si vous avez dans votre congélateur qui n'est jamais tombé en panne, si le produit n'a jamais été décongelé et que la date de consommation est dépassée depuis plusieurs mois, vous pouvez y aller quand même et le consommer, d'autant plus que bien souvent les produits surgelés, ce sont des choses qui sont à cuire, donc il n'y a pas de grand danger. Mais il faut bien respecter l'achète du froid, c'est-à-dire entre le moment où on l'achète ou le moment où on le met dans son congélateur, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Parce que toujours sinon, bien respecter la chaîne du froid et toujours se munir d'un sac spécial congélation pour faire ses courses, évidemment. Parce que si vous allez faire vos courses, surtout un jour où il fait 25 ou 30 degrés, et puis que vous laissez ça dans le coffre de votre voiture, vous mettez « non, c'est pas bon ça ». Donc les boîtes de conserve, ne jamais les consommer si la boîte est cabossée ou présente de la rouille. Donc si vous allez dans un magasin, évitez d'acheter les boîtes qui sont cabossées, ou si la boîte est cabossée, consommez-la tout de suite. Mais autrement, les boîtes de conserve se conservent également très largement au-delà de la date limite. Donc pour ce qui est des pâtes, les riz, les légumes secs, ça se garde très longtemps, bien au-delà de la date limite recommandée qui est également affichée sur le produit. Et il faut juste faire attention éventuellement, surtout si le paquet a été ouvert, aux insectes qui peuvent éventuellement se loger dedans, parce qu'il y a des mites alimentaires, ça s'appelle éventuellement, qui peuvent venir pondre des œufs et puis... voilà. Donc autrement, il n'y a aucun danger. Les boissons, s'ils n'ont pas été ouvertes, comme les jus de fruits, l'eau, etc., ça se consomme également au-delà de la date de péremption. Le sel, c'est quasiment éternel. Oui. C'est-à-dire qu'une boîte de sel qui date de votre grand-mère, vous pouvez la consommer sans aucune difficulté, il n'y a aucun danger. Et le sucre également, puisque le sucre est quand même un conservateur, on s'en sert pour faire des confitures, des choses comme ça, donc le sucre peut se consommer également quasiment sans limite. Les épices qui sont des produits stables, il y a juste le goût qui peut s'altérer éventuellement un petit peu. Voilà pour l'essentiel, donc surtout ne gaspillez pas, ne jetez pas sous prétexte que la date indiquée est dépassée depuis quelques jours. Quoi. Eh bien voilà, d'excellents conseils Bertrand. On te retrouve tout à l'heure. Alors il est l'heure de retrouver notre deuxième pause musicale avec un tube actuel qui est celui de Amir et sa chanson Rétine. A tout de suite. C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin, je ne voulais pas me dévoiler. Mais ma pudeur tu l'as volée, le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Je sais qu'on se va bien, comme lèvres douces et peau salée. Comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Eh bien, merci Amir. Et maintenant, on retrouve une nouvelle fois Bertrand. Alors Bertrand, toi, tu as eu un voisin qui t'a parlé d'un petit accident qu'il a rencontré pas plus tard qu'hier. Et tu voulais nous en parler justement pour aider ceux qui se retrouvent dans la même situation que lui. Oui, en effet. Alors, c'est un jeune homme qui a eu une coupure d'eau brutale sans aucun avertissement. Il s'est trouvé brutalement, vendredi dernier, l'eau coupée, plus d'eau. Alors, que s'est-il passé ? En fait, il faut d'abord préciser que c'est tout à fait illégal. On n'a pas le droit de couper l'eau. L'eau est donc devenue maintenant un droit constitutionnel. C'est l'article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles qui interdit les coupures d'eau pour impayés à toute époque de l'année pour l'ensemble des résidences principales et sans condition de ressources. Alors, ces dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015. On ne peut plus couper l'eau aujourd'hui en France à personne dans les résidences principales et quelles que soient les conditions de ressources. Ce qui n'empêche que la facture impayée doit être payée et donc elle reste due. Alors que s'est-il passé pour le cas de ce jeune homme? En fait, il a pris l'été dernier une location meublée et il sortait d'une résidence pour jeunes travailleurs où, bon, donc lui s'était proposé la question, il a vu la propriétaire, elle lui a fait un bail de location meublée. Dans sa location meublée, il était convenu qu'il paye le gaz, l'électricité, donc il s'en est occupé. Et puis il a ouvert les robinets, il y avait de l'eau qui coulait, donc il pensait que c'était compris dans ses charges. Et jusque-là, depuis le mois d'août de l'année dernière, aucun, voilà, il ne s'est posé aucune question. Et puis vendredi, du jour au... Voilà, sans aucun truc, toc, coupure d'eau. Motif, facture impayée. Or, il n'a évidemment jamais reçu de facture, puisqu'il n'était pas l'abonnement n'était pas à son nom, il n'a jamais reçu de facture, jamais été averti. Comment fait-il pour se sortir vite de cet embarras et retrouver l'eau? Ben, ça ne va pas être facile, parce qu'il a bien évidemment contacté la société qui gère l'eau. Un certain délai à respecter, qui est en moyenne de 15 jours, puisqu'il faut donc réouvrir le compteur, prendre un abonnement et ainsi de suite. Et a priori, ils n'ont pas prévu particulièrement de caractère d'urgence. Voilà. Alors Bertrand, 15 jours de délai demandé par la Société des Eaux, mais on peut faire quand même plus court. Bah, éventuellement, déjà il faut téléphoner à la Société des Eaux, ce qui était le cas. Moi, je conseille de faire référence à cette fameuse article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles qui interdit les coupures d'eau pour signaler qu'ils sont dans l'illégalité, qu'ils ne peuvent pas couper l'eau d'une résidence principale. Dire qu'il est de bonne foi parce qu'il a toujours cru que le compteur était au nom de la propriétaire et qu'elle répercutait ça dans ses charges, donc lui n'y est pour rien et qu'il n'a pas à être privé d'eau comme ça. Et donc il faut qu'il fait, à partir du moment où ils ont réussi à faire intervenir un technicien pour couper l'eau un vendredi après-midi, dès le lundi matin, ils peuvent remettre un technicien et se débrouiller pour remettre l'eau et puis l'abonnement viendra plus tard et voilà. Tout à fait. En restant aimable et courtois, les sociétés de gestion des eaux comprennent bien ça. Voilà, il faut savoir que cette Société des Eaux en question contre laquelle une plainte avait été déposée a, dès le dépôt de la plainte, rétabli l'eau sans attendre la suite du procès. Donc éventuellement, ça peut se faire. Quoi. Oui, mais des fois, c'est très long à poser la plainte et qu'elle soit entendue. Hein. Donc, voilà, oui. Autant se faire ça à l'amiable, c'est déjà arrivé à plein de gens. Et voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut réagir tout de suite. Voilà. Ça. Mais donc, surtout, quand on est locataire, toujours, dès l'entrée dans le logement, bien se renseigner sur qui paye quoi. Parce que la propriétaire ne l'avait pas informé que le compteur n'était pas à son nom et qu'elle ne payait rien. Et donc, elle aurait dû lui dire que le compteur d'eau, il fallait qu'il s'en occupe. Quoi. Ouais, c'est vraiment l'essentiel. Donc, bien lire son contrat, même quand on est dans un meublé. Et tout ce qui n'apparaît pas, c'est que c'est à la charge du locataire. Selon les propriétaires, des fois, tout est compris et des fois, c'est partiellement compris. Donc, bien lire son contrat de location et faire les démarches qu'il faut tout de suite s'il n'y a pas, par exemple, le compteur d'eau qui est indiqué dans les charges. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bertrand, pour ce beau conseil. Et on te retrouve très vite. À bientôt, bonne journée. À bientôt, au revoir. Allez, on se rapproche doucement de la fin de l'émission, mais pas avant le dernier jeu que je vais vous proposer concernant les anniversaires de célébrités du mois de mai. Allez, vous êtes prêts? On joue tous. C'est parti. Alors, cette célébrité a aujourd'hui 53 ans. Il est né le 13 mai 1969 à Paris. Il est journaliste, chanteur, animateur de télévision, de radio et photographe. Il est franco-grec. Nikos Aliagas. Oui, bravo, Nikos Aliagas. Alors on continue avec notre deuxième célébrité. Il est irlandais et a eu 62 ans le 10 mai. Il est né le 10 mai 1960 à Dublin, en Irlande. Il est auteur, compositeur, interprète, homme d'affaires et philanthrope. Il est musicien et chanteur depuis 1978. Son vrai nom est Paul David Hewson. C'est le leader du groupe U2. Oui, Bono. Bravo. Allez, on continue. Cette fois-ci, notre célébrité française. Il aura 63 ans demain. Il est né à Tlemcen, en Algérie, le 14 mai 1959. C'est un auteur, compositeur, interprète, acteur, producteur et joueur de poker. Son vrai nom de famille est Ben Guigui. Je vous dis la chanson Ben Cassez la voix. Qu'est-ce que vous dites ? Patrick Bruel. Oui, Patrick Bruel. Alors, l'avant-dernier, cette personnalité-là est française. Il aura 56 ans le 24 mai prochain. Il est né à Marseille le 24 mai 1966. Très important, il est du signe du Gémeaux. Il a été footballeur, acteur, écrivain. Il est considéré comme le meilleur joueur de football étranger ayant joué en Angleterre. Eric Cantona. Oui, bravo. Tu peux pas sur Internet pour aller tout ça. Alors, le dernier, concentrez-vous bien. Oui, Lionel. Il est belge, une fois, et a eu 65 ans le 8 mai. Il est né le 8 mai 1958 à Bruxelles, capitale de la Belgique. Son père s'appelait Pierre Culliford, mais était plus souvent surnommé Peyo. C'est un personnage célèbre, car il est le chef et le doyen d'un petit village. Et je trompe... D'après l'histoire, il aurait 542 ans, alors que les autres membres du village n'ont qu'une centaine d'années. Il est reconnaissable à sa barbe blanche et ses vêtements rouges. Bah, le chef des Schtroumpfs. Ah oui, donc, j'en sais rien, le chef des Schtroumpfs, c'est... Je sais pas. Grand Schtroumpf. Le Grand Schtroumpf, ah, bravo. Voilà. Allez, on termine ce petit jeu. Merci à tous. J'ai 17 ans, je sais même pas. Eh bien voilà, chers auditeurs, l'émission Les Bons Plans Solidaires se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve le mois prochain. Même heure, même endroit, sur Fadjet pour une nouvelle édition de notre émission. D'ici là, on vous souhaite une belle journée. Profitez bien du soleil. On retrouve toute l'équipe du Très en Forme. Et nous, le mois prochain. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.